écoutez à moi. Vous nous faites ça parler. Vous nous voyez qui bite, qui a fait ou douter. Et ces paroles, y'a dit, qui fait qu'elle ou changer. Ou bien peut-être aussi, pour envie traverser. Bien mouillé, tout ça même bien bizarre. Ouais, souffler nous laisser. C'est en fort en fait. Il fait guère qu'à souffrir. Peut-être si nous parlait, toute vite un peu rangée. Pourquoi? Mais pourquoi?